les bruits cliquetants. Laissez rouler les rumeurs amères et les bruits cliquetants. J'ai peur des couteaux, j'ai peur des oiseaux, j'ai peur des bateaux qui passent. Attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Et de traités internationaux. Un sujet un peu étouffé. Un peu étouffé en ce moment par le bruit justifié que font les gouvernements, tant en termes budgétaires qu'en termes sociaux et qu'en termes constitutionnels, mais sujet qui va vite revenir, non sans dégâts, dans le quotidien de chacun et de nous tous, si on n'y fait pas gaffe. On y vient dans quelques instants. Pour nous éclairer, nous avons fait appel à un spécialiste qui, outre la qualité de s'opposer au JO en 2024, fait autorité dans la critique du fonctionnement de l'Europe. En 2028, il signe l'horreur européenne chez Tatamis et plus récemment, carrément, un manifeste contre les accords transatlantiques chez Éric Bonnier en 2015. Il est économiste, il est élu au conseil d'administration d'Attaque France et animateur de la commission Échanges internationaux. Frédéric Vial, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais tout de suite laisser la parole à Ludovic, que tu connais bien mieux que nous, et qui va te dire comment et pourquoi nous avons envisagé de traiter cette question et pourquoi c'est toi qui es notre invité. À toi, Ludovic. Oui, alors le choix de Frédéric Vial s'imposait de lui-même, de par la science qu'il a en la matière, hein, de par l'écriture de cet ouvrage donc, que tu as rappelé, Christian, sorti en 2015. Et par ailleurs, étant membre d'Attaque, il nous a semblé assez logique d'inviter Frédéric. Donc le TAFTA, le TTIP, TISA et CETA, tels sont les acronymes barbares qui désignent des traités commerciaux en cours de négociation entre l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, ainsi que d'autres pays industrialisés. Depuis l'échec du cycle de Doha, donc de l'OMC, donc depuis les années 2000, on assiste à une inflation d'une nouvelle génération de traités internationaux qui, sous couvert de commerce et de libre-échange, s'attaquent violemment à la Constitution, aux législations et aux réglementations des États. Et donc, considère que tous les obstacles que sont les droits de douane et les réglementations douanières sont des obstacles et donc mettent à mal effectivement un certain nombre de droits sociaux et environnementaux. Alors, je voudrais commencer en préambule de cette émission, peut-être de revenir un peu sur la question un peu historique, une question peut-être plus théorique sur la question du libre-échange et du protectionnisme. Est-ce que Frédéric Vial, vous pourriez effectivement nous peut-être revenir effectivement sur les justifications qui ont présidé au libre-échange depuis, on va dire, le fameux livre de Ricardo, qui était un des premiers penseurs, on va dire, du libre-échange après Adam Smith. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur ce sujet? Ben, ce qui s'est passé, en fait, après la Deuxième Guerre mondiale et au moment où il a été question de mettre en place un marché, qui soit un marché dans lequel les États-Unis puissent déverser un certain nombre de leurs surplus, ça a été de reprendre effectivement cette théorie qui n'avait jamais été abandonnée de fait, qui est celle du libre-échange selon laquelle on a toujours intérêt à participer à la division internationale du travail et de la production de richesses, puisque un pays a toujours intérêt à faire, et c'est ce que nous raconte Adam Smith, hein, mais c'est une théorie qui date du 19e siècle, un pays a toujours intérêt à faire ce pour quoi il est le mieux placé du fait de ses facteurs naturels ou sociaux. Et par exemple, ce que dit Adam Smith, c'est que le Portugal, où il fait beau, a toujours intérêt et aura toujours intérêt à produire du vin, alors que la Grande-Bretagne, où il ne fait pas beau, aura intérêt à produire autre chose, par exemple des draps, d'autant plus, mais ce genre de détail trivial n'encombrait pas tellement les théoriciens à l'époque, d'autant plus que l'Inde était là pour fournir les matières premières. Et cette idée du libre-échange qui vient en fonction des circonstances, en fonction des moments où les industriels dans l'Union européenne considèrent qu'il faut les protéger ou qu'ils doivent écouler leurs marchandises, là, a trouvé un écho tout à fait favorable dans les fondateurs de l'Union européenne, puisque précisément il était question, grâce à cette théorie, de justifier ce qui était en train de se faire, c'est-à-dire un marché libre, opposé politiquement à l'Union soviétique et au socialisme centralisé et étatique. Mmh. Donc voilà, on est là au tout début. Et à partir des années 80, dans l'Union européenne, c'est-à-dire à partir du moment où Margaret Thatcher, une fois devenue Premier ministre, mais aussi Ronald Reagan aux États-Unis, à partir des années 80, l'Union européenne a vraiment pris un tournant très, très libéral et a accentué énormément ses politiques de développement du libre-échange. Mais là, il faut dire que le développement des accords de libre-échange, c'est maintenant. C'est vraiment maintenant des accords de libre-échange régionaux, puisque l'Organisation mondiale du commerce, qui était chargée de libéraliser les échanges dans le monde entier, n'y est pas parvenue. Donc l'Union européenne accentue beaucoup pour le développement des accords régionaux. Et là, le tout premier qui arrive, c'est avec le Canada. Oui, j'ai une question également qui me soucie là. J'ai, à propos du Canada, puisqu'on va parler du CETA dans une minute, je me souviens d'avoir entendu un discours de Paul Magnette qui disait que les accords de libre-échange étaient bien au-delà d'accords de commerce. Il oui. parlait de philosophie, d'éthique même, je crois. Il a parfaitement raison. Ces accords de libre-échange, ce n'est pas que du commerce. C'est du commerce, mais c'est beaucoup plus que ça. Puisque le point crucial, en fait, et c'est pourquoi on parle d'ailleurs d'accords de libre-échange de deuxième génération, c'est que ces accords portent, un rapprochement des normes. Un rapprochement des normes, c'est-à-dire cette idée qu'il faut harmoniser les marchés, mais au-delà de l'Union européenne. L'Union européenne a deux objectifs, en tous les cas, deux objectifs bien visibles. L'harmonisation du marché intérieur, ça, elle s'en occupe, mais aussi dans ses relations avec le reste du monde, faire en sorte que les règles soient des règles communes, que ce soit avec l'Union européenne, avec les États-Unis, avec le Canada, et puis finalement avec tous ceux qui ont, toutes celles des puissances dans le monde, qui ont une certaine importance commerciale. Et donc, on est là dans quelque chose qui est effectivement dans un choix politique qui consiste à insérer l'Union européenne, mais les États-Unis et le reste aussi, à insérer l'Union européenne dans un marché, un vaste marché dont les normes seraient équivalentes les unes aux autres, ou en tous les cas compatibles les unes avec les autres, de sorte que les entreprises transnationales puissent opérer ce qu'elles appellent leur chaîne de valeur, c'est-à-dire, en gros, produire partout dans le monde un même bien aux conditions où elles veulent. C'est-à-dire, si, par exemple, vous avez une entreprise qui fabrique des chaussures, elle fabriquera la chaussure gauche en Thaïlande, elle fabriquera la chaussure droite au Bangladesh, et le reste, elle les importera dans les pays solvables que sont ceux de l'Union européenne ou du Canada, avec les opérations de marketing qu'il y aura afférentes à tout cela. Et donc, il y a la création de chaînes de valeur qui sont sur tout le monde entier. Et donc, c'est cette idée-là qui va beaucoup plus loin que le commerce, mais qui est d'installer un environnement généralisé à travers le monde entier, favorable aux entreprises transnationales, qui pourront produire là où elles le veulent, aux conditions qui leur sont les plus favorables de manière systématique. Et donc, à partir de là, Magnette a tout à fait raison de dire qu'il est même question, de au-delà du politique, de philosophie, parce que, oui, là, on est dans un projet qui consiste à confondre totalement marché, développement capitaliste, développement des entreprises transnationales et de leur chaîne de valeur, et démocratie, parce que la dernière étape est fournie par tous ceux qui soutiennent le libre-échange. La dernière étape idéologique qui consiste à dire soit vous êtes pour le libre-échange et vous êtes pour la démocratie, soit vous êtes un adepte de la Corée du Nord. Il n'y a pas, en tous les cas, pour les promoteurs du libre-échange, de milieu ou de nuance entre les deux. Oui, je reconnais là, sur la Corée du Nord, c'est bien Nathalie. René a une question. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, les normes sont tirées vers le bas, pour le plus grand au bénéfice des multinationales. Effectivement, si les normes étaient tirées vers le haut, c'est-à-dire si on prenait les normes les plus intéressantes pour le consommateur, pour les populations, etc., ce seraient des normes coûteuses, hein, par définition, coûteuses pour les entreprises. Or, ces accords ne veulent pas de cela, et explicitement, là, on est dans un article qui est l'article 21.4 du traité. Explicitement, il ne faut pas que les normes soient trop coûteuses pour les entreprises. Et ça, c'est vraiment, et là encore une fois, Magnette a bien trouvé le mot, c'est vraiment une philosophie, hein. Il faut que les décisions publiques ne soient pas trop coûteuses pour les entreprises et soient orientées uniquement vers la défense de la compétitivité des entreprises, en dehors de quoi il n'est pas de salut possible ni de bonheur humain envisageable. Oui, je rappelle une seconde que Magnette, je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est le président de la Chambre régionale de Wallonie. Oui, qui par ailleurs s'est manifesté contre le CETA, mais a quand même bien précisé qu'il n'était pas contre le libre-échange en principe. Oui, en effet. Oui. Mais face à des problèmes comme l'urgence climatique à laquelle le monde est confronté, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même quelques exceptions à faire ? De toute façon, les accords de libre-échange tels qu'ils sont faits, le CETA, les autres aussi, hein, puisqu'encore une fois, il y a une déferlante là, qui arrive derrière, ne sont pas compatibles avec l'accord de Paris, c'est une certitude, mais plus généralement avec les problèmes climatiques. Parce que c'est très simple, hein, les questions climatiques, on ne peut les régler qu'en prenant des politiques qui portent des mesures volontaristes. C'est-à-dire, il faudrait que les puissances publiques disent on va décourager un certain nombre d'activités, qui sont des activités extractivistes, polluantes, diverses et variées, et donc on va décourager des activités en réglementant, voire en surtaxant les activités polluantes. Or, par définition, ces accords de libre-échange considèrent qu'il s'agirait là d'obstacles techniques ou d'obstacles au commerce, et donc des obstacles au libre-échange et à l'application même du traité. Donc, c'est le fondement même de ces traités qui vont directement à l'encontre de ce qu'il faudrait faire en matière d'urgence climatique. Donc les exceptions qui seraient prévues au traité, ce serait toujours bien s'il y en avait, il n'y en a pas. Mais ça ne serait de toute façon pas suffisant de dire, bon voilà, on va essayer dans tel ou tel domaine de faire exception, parce que c'est l'ensemble du fonctionnement même et de la philosophie de ces traités qui ne permet pas, qui ne permet plus aux puissances publiques d'intervenir d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour la protection du consommateur ou n'importe quoi d'autre, et que ce soit également pour l'environnement. Ou alors, absolument à la marge, et à la condition que, en gros, les entreprises soient d'accord. C'est-à-dire que ce genre de traité laisse les clés de la décision publique, y compris dans des choix aussi fondamentaux que ceux de la lutte climatique, aux entreprises transnationales. Et donc, c'est abandonné. Pardon. Une question de Ludovic. Les défenseurs de ces traités mettent souvent en avant un argument qui manifestement résonne auprès des politiques, c'est la question de l'emploi. Il y a cette idée qu'effectivement, ça va générer de nouveaux emplois. Est-ce que tu aurais éventuellement des chiffres, enfin en tout cas des études peut-être à mettre en avant, qui dément, en tout cas qui minore peut-être la survenue d'éventuels emplois du fait de l'application de ces traités? Alors, à chaque fois, on a le droit à la même séquence. Hein. Quand arrive un texte sur la table, on nous dit effectivement il va y avoir une création d'emplois. Et d'ailleurs, ça a été le cas pour le TAFTA, c'est-à-dire l'accord avec les États-Unis. On a une étude en béton armé qui le dit. Quand on regarde l'étude en béton armé, c'est une étude qui est fondée sur un machin qui s'appelle l'équilibre général, qui est une espèce de fable d'économétrie. Selon laquelle l'économie fonctionne par définition sur un équilibre qui se vérifie à long terme. Hein, bon. Mmh. Et donc à partir de là, c'est cette espèce de fable selon laquelle finalement est fondée toute l'économétrie classique, à partir de là, on démontre qu'à long terme, effectivement, on est nécessairement dans la création d'emplois. Maintenant, quand des universitaires, il y en a eu par exemple, il y a une université Tufts qui aux États-Unis qui a montré ça, concernant le TAFTA par exemple, il a dit tout ça, elle a montré que c'était bien gentil, mais que création d'emplois d'un côté, destruction de l'autre. Au final, globalement, destruction d'emplois. Mais ça, ce sont des études prospectives qui, par définition, sont des études qui ont une part d'incertitude. On peut, pour se faire une idée de ce que c'est qu'effectivement le libre-échange, regarder ce qui existe effectivement, et non pas se lancer dans des prospectives. Ce qui existe effectivement, c'est par exemple l'accord Canada-États-Unis-Mexique, l'ALENA, qui a 20 ans. Résultat des courses, au moment où ça a été fait, on nous avait dit que ça allait créer plein d'emplois, des bons emplois, notamment des emplois des Américains, hein, le président des États-Unis qui l'avait dit à l'époque, Clinton. Résultat, on est à peu près clair là-dessus, 1 million d'emplois détruits aux États-Unis, la proportion équivalente au Canada, et au Mexique, on ne sait pas. On n'arrive même pas à chiffrer, parce qu'au Mexique, il y a eu la destruction, le démantèlement, enfin, ça a été une dévastation du secteur agricole, qui est quand même un secteur qui emploie... grosse majorité de Mexicains. Et donc on a ce phénomène tout à fait intéressant, hein, pour les entreprises, mais pas forcément pour les gens, de Mexicains qui prennent tous les risques pour émigrer aux États-Unis. S'ils le font, c'est pas parce qu'ils ont envie, ils trouvent que l'herbe est plus verte de l'autre côté, c'est parce qu'ils y sont poussés d'un point de vue économique. Ils y sont poussés parce que une des activités qui était l'agriculture, qui fonctionnait au Mexique, est devenue... en grande difficulté à cause de l'ALENA. Et ça, ce sont des choses qui sont effectives, qui sont concrètes. On n'a pas besoin de s'encombrer de prospection économétrique. Là, on a un constat à faire. Et étonnamment, les promoteurs de l'accord nous ressortent que dans 25 ans, ou à l'horizon 2027, il va y avoir X milliards de richesses supplémentaires. Bon, tout ça, ça relève de stratégies de communication qui ne sont pas très sérieuses. Si on parlait que les paysans mexicains sont obligés d'utiliser les OGM, j'imagine. Oui, alors ça c'est quelque chose qui est aussi un problème fondamental de ces accords. c'est que quand on parle de normes, concrètement, ça veut dire qu'on parle d'OGM, on parle de nourriture génétiquement modifiée. Hein. Il n'y a pas que les plantes, maintenant, il y a aussi les animaux. Le Canada, par exemple, produit un saumon génétiquement modifié. Quand on parle de normes, on parle d'environnement, on parle de social, on parle de tout ça. Hein. Et ça, c'est le cœur de ces accords. René ? Oui, en somme, les multinationales agroalimentaires états-uniennes ont été les grandes bénéficiaires de l'ALENA sur le plan agricole. Oui, oui, oui. Alors là, ça, sur le plan agricole, c'est une certitude. Mais aussi, dans le cadre de l'ALENA, on peut dire que les entreprises manufacturières qui, par exemple, Caterpillar, étaient implantées au Canada, qui ont délocalisé une première fois aux États-Unis, qui ensuite ont redélocalisé à la frontière pour profiter des travailleurs qui arrivaient clandestinement, des travailleurs mexicains. Oui, oui, eux aussi, hein, ces industries manufacturières ont profité de ce type d'accord. Après, la population, c'est beaucoup moins sûr. Et pourtant, on a, puisqu'on parlait tout à l'heure des justifications comme ça en termes théoriques et politiques, le libre-échange aujourd'hui, ça prend la forme de ce qu'on appelle la théorie du ruissellement. Vous savez, cette espèce d'idée selon laquelle, oui, oui, à partir du moment où les entreprises transnationales font de l'argent, eh bien, ça va retomber en pluie d'or sur les populations. Voilà, c'est une théorie de la miette qui tombe de la table des riches, si vous voulez. Bon, on a ça beaucoup en ce moment, hein, dans le discours politique, qu'on retrouve en plein dans les justifications du libre-échange. Alors, à aucun moment c'est vérifié, à aucun moment on ne voit que les entreprises font retomber comme ça leurs bénéfices sur les populations locales, mais ça continue d'être servi régulièrement comme théorie. Remplacé par le premier de cordée en ce moment, par notre président. René, poursuis ta question. Oui, justement, avec l'élection de Trump, qui est certainement déplorable, il se trouve que ces accords de libre-échange sont un peu mis sur la touche. On a parlé même aux États-Unis de relocalisation d'industrie. Qu'est-ce que ça cache, en fait ? Parce que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on nous disait précédemment. Alors deux choses. L'élection de Trump, déjà pour commencer, c'est aux États-Unis, c'est pas dans l'Union européenne. Donc la politique de l'Union européenne, elle, ne change pas. Et celle qui consiste à promouvoir les accords de libre-échange continue. Voire même s'accélère. Hein. Il y a véritablement un activisme de l'Union européenne sur la question, et y compris même un débat au sein des institutions et même un débat politique du rythme. Et un certain nombre de, notamment la commissaire chargée du commerce européen, veut avancer vite sur ces questions-là. Maintenant, Trump, il dit un certain nombre de choses. Les choses entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a toujours une nuance, on va dire, voire une distance, voire carrément un gouffre. Et on a des membres de l'administration Trump qui ont appelé à la reprise des négociations avec l'Union européenne d'un accord de libre-échange. Le TAFTA, voilà. Donc le TAFTA, effectivement, avait été mis, on va dire, entre parenthèses avec l'élection de Trump. Attendons de voir la suite. Attendons de voir notamment comment va continuer de se dérouler les renégociations qui sont en cours de l'ALENA. Et avant de vraiment se prononcer pour dire que d'un seul coup, les États-Unis remettraient en cause le libre-échange. Pour l'instant, il n'y a aucun élément concret qui permet de le dire. Hein. Aucun. D'accord. Donc on est dans le discours, hein, pour l'instant. Mmh. Mmh. Une question de Ludovic. Oui, alors, est-ce qu'on peut éventuellement parler maintenant du volet politique, parce qu'il y a la question effectivement de l'adoption et la ratification de ces traités par les parlements. Donc la question se pose, est-ce qu'il n'y a pas des parlements européens ? J'ai cru entendre que l'Autriche et la Belgique étaient manifestement, somme toute, assez critiques. Est-ce qu'il n'y a pas là un éventuel échec de la ratification de ces traités du fait de l'opposition de ces deux pays ? Alors là aussi, deux choses. Petit préalable. Là, ce dont on parle maintenant, c'est le CETA, c'est-à-dire l'accord avec le Canada qui, effectivement, a été ratifié pour les aspects qui concernent l'Union européenne par le Parlement de l'Union européenne. C'est-à-dire que aujourd'hui, le CETA s'applique dans l'Union européenne et avec le Canada pour ce qui concerne pratiquement tout l'accord, sauf un point crucial qui est l'arbitrage, c'est-à-dire la possibilité des entreprises de saisir un arbitre, voilà, parce que leur bénéfice escompté ne serait pas atteint. Alors ça veut dire qu'il faut des ratifications nationales maintenant à l'intérieur de l'Union européenne. Il faut l'unanimité pour ça, c'est-à-dire des 28. Aujourd'hui 28, hein, demain 27, en tous les cas pour l'instant officiellement 28. Effectivement, l'Autriche, la Belgique sont des États où les choses risquent de ne pas se passer exactement comme veut l'Union européenne. Mais la France aussi, peut-être quelque chose, il y a quelque chose à faire hein, en France. Il y a quelque chose à faire parce que, très visiblement, il y a l'air d'avoir un problème politique en France qui commence à venir. Bon, c'est très récent, hein, faut voir ce que ça donne. Le président Macron, en arrivant, qui était finalement pratiquement le seul candidat à soutenir le CETA de manière aussi explicite, a voulu se débarrasser politiquement de la question en créant une commission. Commission Schubert, oui. Voilà, la commission Schubert, qui n'était pas composée d'économistes le couteau entre les dents, on va dire ça gentiment, et qui néanmoins a pris un truc en disant, ben oui, mais il y a un problème dans le CETA, c'est que c'est un accord vivant. Mmh. Pour les dire autrement, c'est un accord évolutif. On a parlé des normes tout à l'heure, le rapprochement des normes et tout ça. Ça veut dire que concrètement, on ne sait pas quel est le texte exact à ratifier. C'est-à-dire qu'on a un texte, mais on ne sait pas ce qu'il va devenir. On ne sait pas ce que ça va avoir comme impact dans les 5 ou les 10 ans qui viennent, dans tous les domaines, non pas seulement l'agriculture dont on parle beaucoup, mais dans les domaines de la protection du consommateur, de l'environnement, y compris dans le domaine social, etc. On ne sait pas. Et donc, même la commission Schubert avait dit, mais là, il y a quand même un problème de ne pas savoir vers quoi on va. Et d'autant plus qu'il y a quand même aussi un problème de compatibilité avec l'accord de Paris. Là-dessus, là, il y a 3 jours, il y a 28 députés en marche qui se sont un petit peu réveillés et qui ont écrit une lettre au Premier ministre pour dire qu'il y avait aussi un problème et qui font un certain nombre de propositions diverses et variées. Bref, il y a visiblement un problème politique là qui commence à se poser. Alors, il faut mesurer tout ça avec une certaine retenue, on va dire. Il faut pas s'énerver non plus tout de suite, parce que, je veux dire, faut pas sortir le champagne maintenant, hein, c'est encore un peu trop tôt. Parce que on a strictement, évidemment, aucune garantie que ces 28 ne canneront pas très vite. Hein, d'autant plus que là, je viens de voir un article de Mediapart là, qui est sorti là, hier, qui annonce que mercredi prochain, notre bon cher Premier ministre va annoncer un plan d'accompagnement du traité de libre-échange entre donc l'UE et le Canada. Et que manifestement, les députés. Alors, je crois qu'à manifestement, la majorité de En Marche, manifestement, au sein des députés d'En Marche, il y a quand même des gens qui sont relativement critiques sur ça. Mais on a l'impression, du moins à la lecture de cet article, que manifestement Macron s'assoit dessus. Et que manifestement, il est prêt à l'appliquer en faisant totalement fi de sa majorité. Oui, d'ailleurs, il aurait tort de se priver, parce que c'est vrai que sa majorité n'est quand même pas... Enfin, c'est quand même une majorité godillot. Hein. Oui. On n'apprend rien à personne, là. Donc, effectivement, il va y avoir, c'est ce qui nous pend au nez un peu, le Premier ministre qui va nous dire qu'il va y avoir des mesures d'accompagnement, un comité de suivi... On va vous assurer la transparence, vous savez, ce genre de discours qu'on dit, ce genre de garantie verbale. Oui, ça va bien se passer, ayez confiance, croyez en moi et endormez-vous. Bon, ça va être ce que va faire le Premier ministre. Hein, sans être devin, on peut dire ce qui va se passer mercredi prochain. Ceci dit, là-dessus, le collectif, et avant que les députés En Marche commencent à se manifester, on va dire, le collectif Stop TAFTA a fait l'analyse suivante. Il s'est dit, bon, il y a un problème politique là qui commence à arriver en France, il faut qu'on joue tout ce qu'on peut, et que surtout, on ne se laisse pas imposer ce truc par la vitesse, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas le gouvernement tranquille sur la question. Donc on a entamé deux trucs qui sont d'une part une interpellation des députés. Bon, ça, les collectifs locaux sont invités à répercuter tout ça auprès des militants et des militantes pour une interpellation des députés. Nous en sommes, rassure-toi. Voilà, exactement. Donc ça c'est dans les tuyaux. Également, l'autre idée qui apparaît là, c'est de faire aussi vite qu'on peut une collecte de signatures pour montrer que dans la population, ça passe pas. Et donc là, on a peut-être, mais voilà, c'est un pari aussi, hein. Soit le gouvernement va très vite, soit le gouvernement ne peut pas ou estime ne pas pouvoir aller très vite. Et là, ça nous laisse un peu de temps pour faire monter la chose dans l'opinion. Voilà, c'est un peu le pari aujourd'hui dans lequel on est, pour essayer de faire monter la chose dans l'opinion et rendre de plus en plus difficile une ratification, de plus en plus difficile sur un plan politique, on va dire. Voilà. On a quand même... C'est ça le pari. Oh, excuse-moi. Il y a déjà eu quelques maires de villes et de grandes villes qui ont signé, des régions même, si je ne m'abuse, oui, Paris et puis PACA, me semble, signé villes, régions, communes, départements, stop TAFTA déjà. Oui, stop TAFTA, oui. Et certains stop CETA aussi, hein, ils ont fait les deux à un moment donné aussi. Ça, c'est aussi une campagne de long terme, de longue haleine aussi, pour montrer qu'il y a une vraie opposition des élus. Alors, pourquoi les élus locaux ? Parce qu'ils font, en fait, ils sont le fond du pouvoir politique, quoi. C'est vrai qu'ils sont absolument nécessaires au pouvoir politique national. Mais voilà, ça, c'est une campagne qui est menée depuis... maintenant 2 ans et qui a déjà produit pas mal de résultats en termes de déclarations. Mmh. Voilà, donc là où on est, c'est vraiment essayer de reprendre la mobilisation, hein, c'est-à-dire de nous sortir un peu de cette idée que tout est fini depuis la ratification du 15 février dernier, la ratification au Parlement européen, et de repartir... en se disant qu'il faut rendre ce processus de ratification le plus compliqué possible sur le plan politique pour la majorité actuelle à l'Assemblée nationale. Alors évidemment, ça ne va pas être facile. Hein. Ouais, excuse-moi, combien même ce traité ne serait pas ratifié par la France ? Est-ce que ça empêcherait son application ? Ou est-ce qu'il n'y a pas une clause qui... une clause prévue dans ce traité qui, malgré un veto d'un Parlement, est-ce que ça ne mettrait pas, est-ce que pour autant ça mettrait fin totalement à l'application de ce traité ou pas ? Eh bien alors là, en fait, on n'en sait rien. C'est ça la question. Non, là on est dans une grande incertitude qui est tout à fait passionnante parce que en fait il se trouve que le traité de fonctionnement de l'Union, comme le traité de l'Union aujourd'hui, ne prévoit pas le cas dans lequel il pourrait ne pas y avoir de ratification des États membres. C'est-à-dire que ces textes sont tellement hors sol, ils sont tellement hors de l'idée que par hasard, les populations pourraient ne pas être d'accord avec leurs dirigeants, qu'ils ne prévoient pas la possibilité qu'il n'y ait pas de ratification d'un État membre. Il n'y a rien de prévu. Et donc à partir de là, on se trouverait dans une situation qui est tout à fait passionnante, dans lequel il y aurait une application provisoire qui ne concerne pas l'ensemble du traité et où il y aurait certains territoires de l'Union européenne qui ne seraient pas concernés par tout le traité, enfin, pour le dire autrement, qui seraient concernés par une partie du traité seulement. Et donc, on aurait quelque chose d'absolument extraordinaire qui serait que le premier traité de libre-échange qui arrive ne serait pas appliqué complètement. Donc ça veut dire, et ça l'enjeu il est extraordinaire en réalité, ça voudrait dire que l'Union européenne ne peut plus négocier aucun traité derrière. Parce qu'elle ne pourrait plus garantir à ses interlocuteurs, que ce soit la Chine avec lequel elle est en langue actuellement, que ce soit le Japon, le Mexique, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Enfin, il y en a plein. L'Afrique du Sud. Oui, il y en a comme ça toute une palanquée. Elle ne pourrait plus garantir qu'elle est capable de faire appliquer les traités qu'elle négocie. Donc vous voyez, l'enjeu derrière, il est assez considérable en fait. Parce que ça, si on parvient à cette situation totalement inédite, franchement, on n'aura pas perdu notre temps. Que derrière, ça veut dire que la politique commerciale commune de l'Union européenne, on aura réussi à lui mettre un gros coup de... un gros coup dans l'aile. Ça, c'est quand même intéressant. Oui, en effet, mais nous constatons, nous militants sur le terrain, si tu veux, que lorsqu'on parle de CETA, ça commence à être connu, mais on est bien loin de ce qu'on pourrait penser, vu la gravité de ce traité, on est bien loin d'avoir une presse qui informe. Et pour avoir moi-même regardé un peu le CETA côté canadien, il y a une information au Canada, il y a une réunion au Canada avec des responsables de l'Union européenne invités par une association et une université qui a fait le point il y a 3 ans, 4 ans maintenant sur le CETA. Et en France, on est vraiment ballot là-dessus. La presse ne relaie pas. Je ne sais pas. Il y a véritablement un problème de... Je ne sais pas si c'est du blackout, mais je ne crois pas d'ailleurs. Mais il y a vraiment un problème d'information et de comment dire, de choix de la presse. Quoi. Oui. Mais ça fait partie... du problème. Hein. Ça fait partie du problème qui est d'ailleurs un problème beaucoup plus vaste qu'on connaît par ailleurs dans plein de domaines, que la presse régionale ou nationale ne fait pas exactement son travail dans ce domaine-là, pas plus que dans les autres. Je dirais peut-être même moins dans la mesure où c'est un petit peu compliqué. Ceci dit, si on relit par rapport CETA, TAFTA, les choses commencent à être un peu plus connues. Mais c'est vrai qu'on a un problème avec ça et c'est pas suffisant la connaissance qu'en a la population vu l'enjeu qui est effectivement important. Mais il me semble que même ici en Europe, par exemple des pays comme l'Allemagne, la Belgique, l'Autriche, l'information est quand même mieux diffusée qu'ici en France. Alors là, c'est probablement aussi parce que les militants en Allemagne, en Autriche, etc., ont accentué sur un certain nombre de choses extrêmement concrètes. Et je pense qu'ils ont raison, et c'est ce qu'on fait aussi, hein, mais on a un problème supplémentaire en France avec les médias par rapport aux autres pays. Accentuer sur les choses extrêmement concrètes, ça permet en fait de s'adresser très rapidement aux gens et leur faire comprendre très rapidement les choses. Si on parle d'OGM, si on parle... de ce qu'il y a dans les assiettes, qui est quelque chose qui, visiblement, a l'air d'intéresser beaucoup en France, en tous les cas. L'Allemagne, c'est l'environnement, beaucoup aussi. L'Autriche également. Alors, on intéresse tout de suite les gens et il n'y a pas besoin de rentrer forcément dans tous les détails qui sont très complexes, finalement, de ce type d'accord. Et donc, accentuer sur les choses concrètes de la vie quotidienne, oui, c'est une bonne idée. J'ai aussi une question. En France, le Conseil constitutionnel a considéré que le CETA était compatible avec la Constitution. Et en Allemagne, la Cour de Karlsruhe, est-ce qu'elle s'est prononcée ? Elle ne s'est pas encore prononcée. Pas encore. Pas encore, d'accord. Non. Mais il y a une procédure, juste je rebondis sur ce que tu dis René, il y a une procédure manifestement en Belgique qui a été lancée, où la Cour de justice européenne a été saisie, notamment sur le règlement du différend, qui est un peu la pomme de discorde en fait, qui est un peu l'un des aspects qui pose problème. On a l'impression que d'ailleurs que s'il n'y avait pas ça, il aurait été ratifié. Manifestement en Europe, en tout cas notamment en Allemagne, ce règlement des différends pose problème. J'ai l'impression qu'il pose plus de problèmes d'ailleurs à Merkel qu'à Macron. Est-ce que tu abondes dans ce sens ? Tout à fait. La Cour de justice de l'Union a été saisie par la Belgique, puisque précisément le gouvernement fédéral belge s'était engagé vis-à-vis des Wallons, de le faire. Ça a été fait. Maintenant, la Cour de justice se prononcera quand elle veut, exactement comme celle de Karlsruhe, de l'Allemagne, pardon. Elle se prononcera quand elle... Les l'une et l'autre se prononceront quand elles voudront. Donc on ne sait pas, et on ne sait pas le sens que prendront leurs décisions. C'est toujours un peu le problème hein, avec ce genre de cour qui avance à son train de sénateur, si j'ose dire. Et en tous les cas, ça pose des problèmes, effectivement, en termes de principe. et au regard de la Constitution, parce que il se trouve que dans notre Constitution aussi, on a un article 66 sur l'indépendance de la justice, sur le fait que chacun doit bénéficier de son juge naturel, comme on dit dans les textes. Mais il se trouve par ailleurs qu'on a des institutions quasi monarchiques, et là on retrouve un autre problème spécifique à la France, et que finalement, c'est quand même le président qui dit si oui ou non on va aller dans ce sens ou dans un autre. C'est pas exactement la même chose dans d'autres pays un peu moins monarchiques que le nôtre. Et donc, effectivement, s'asseoir sur le fait que les juges sont contournés par des arbitres dans ce type d'accord, ça c'est un problème en Allemagne, en Autriche, en Belgique, beaucoup moins en France. Et ça tient à nos institutions monarchiques, hein, par ailleurs. Oui, d'ailleurs, ça, on le voit bien dans le domaine de l'application dans la Constitution de l'état d'urgence. On essaie d'éviter complètement la justice. Alors, avant de conclure, peut-être quelques mots, mais très très rapides, peut-être sur les autres accords là, qui sont en cours, parce qu'on parle d'un accord là, avec le Japon. Est-ce que tu pourrais éventuellement nous... Alors, en fait, il y en a toute une palanquée. Il y en a avec Afrique-Caraïbes-Pacifique, ça s'appelle les accords de partenariat économique. L'accord avec le Japon, c'est-à-dire le JEFTA, dans le jargon, son petit nom, est un accord qui a été décidé comme techniquement conclu le 6 juillet dernier. Bon, c'est pas vrai, hein. On a eu des fuites... Il y a quand même deux chapitres sur le commerce électronique et sur le règlement des différends, justement, qui ne sont pas terminés. Il y a des accords aussi de modernisation, comme on dit, avec le Mexique, avec la Tunisie, avec le Maroc. J'ai une carte sous les yeux. Il y en a un autre qui est commencé avec le Vietnam. Singapour, c'est fait. Il y a la Chine, il y a un accord bilatéral sur l'investissement, c'est-à-dire la protection d'investissement qui est en cours aussi de négociation. Le Mexique, je l'ai dit. Oui, voilà, donc on est quand même... Ah oui, et également, il y a la volonté de l'Union de négocier un accord qui s'appelle l'ACS, l'accord sur le commerce des services, connu sous le nom de TISA, qui porte... uniquement sur le service et sur les services et sur le fait qu'il ne sera plus possible de revenir en service public, notamment hein, quand un service est passé dans le privé. Là, il y a une cinquantaine de partenaires de négociation en tout. Et puis, un accord multilatéral aussi qui porterait sur l'installation d'une cour sur l'investissement. Ça, l'Union européenne y tient parce que comme ça a été remarqué par Ludovic juste avant, ça permettrait de régler une fois pour toutes la question de l'arbitrage. Et donc, ça dégagerait la Commission de ce problème, qui est quand même une épine dans le pied, une fois pour toutes. Et pour les accords qui viendraient à la ratification au Parlement européen, il n'y aurait plus besoin ensuite de les ratifier au niveau national. Il y a cette cour multilatérale sur l'investissement qui est mise en place. Eh bien, voilà. Donc, encore... il y a tout ça dans les tuyaux. Hein. Eh bien, voilà encore une méthode pour éviter le droit le plus simple et, des citoyens. Merci de cette intervention, Frédéric Vial. On a effectivement compris qu'il y avait encore du boulot de terrain pour les militants. Et voilà. Je pense qu'attaque est vent debout contre ce traité depuis belle lurette et on continue. Merci beaucoup. À bientôt peut-être. Merci, au revoir. Mon café. Ici, ma mère prend son 4x4 jusqu'au supermarché. Elle met la clim à fond, connaît par cœur les publicités qu'elle fredonne dans les rayons de la grande distribution. C'est la mondialisation. Et la mondialisation, c'est pour toi là-bas, c'est pour moi ici aussi. Et toi, est-ce que tu vois le monde tel qu'il est? Ceux qui travaillent à la chaîne n'ont pas toujours la majorité. Fabrique mes chaussures préférées, cette marque américaine. bien branché. Je fais des économies avec l'économie de marché. La gestion de production, c'est la mondialisation. Et la mondialisation, c'est pour toi là-bas, c'est pour moi ici aussi. Et toi, est-ce que tu vois le monde tel qu'il est? C'est un business model, je suis pas fan du monde réel. Alors c'est décidé, je joue à Warcraft toute la nuit. Là je retrouve mes amis pour les bastons virtuels. La vie est trop belle. Les soirées de connexion, c'est la mondialisation. Et la mondialisation, c'est pour toi là-bas, c'est pour moi ici aussi. C'est la mondialisation. C'est la mondialisation. C'est la mondialisation de La Collective, et donc une lecture de Christian. Oui, Florence, c'est la mondialisation en effet. Et bien justement là-dessus, j'ai un rapide conseil de lecture. Il faudra peut-être un peu s'accrocher, des notions d'économie sont quand même utiles. Il s'agit de quelques pages signées par Michel Aglietta. Elles sont un condensé, introuvable sous aucune plume, du capitalisme mondial au pouvoir depuis 1950, que Michel Aglietta sépare analytiquement en deux grandes périodes. Le capitalisme contractuel, 1950-1973, on a les 30 glorieuses en gros, et son dérapage inflationniste de 1973 à 1980, et ensuite le capitalisme financiarisé dans lequel nous sommes, de 1980 à 2007, et son dérapage de la dette, ce sont les termes d'Aglietta, à partir de 2008, mais jusque quand ? Au fait, la question qui se pose, c'est à quand la prochaine crise financière mondiale ? Cette lecture, c'est dans l'édition 2018 du CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale. C'est dans la collection Repères à la découverte et c'est sorti en septembre dernier pour 10 euros tout rond. Et donc, on passe aux actualités d'attaque avec René et Christian. Oui. Bien. Donc tout d'abord, les actualités d'attaque. Tout d'abord au plan national, il ne faut pas répéter ce qui s'est passé en 2015 en Grèce. C'est un débat avec Yanis Varoufakis qui publie « Discussion entre adultes », l'occasion pour l'ancien ministre grec de défendre sa vision de la crise de 2015 et d'évoquer son mouvement Diem25. Le samedi 14 octobre à Paris, dans le cadre d'un débat organisé par Mediapart et les éditions Les Liens qui Libèrent, Yanis Varoufakis a répondu aux questions, notamment celles des économistes Aurélie Trouvé d'Attaque France. Porte-parole, s'il te plaît, quand même. Porte-parole d'Attaque France. Et Cédric Durand des économistes atterrés. Yanis Varoufakis considère avoir choisi la bonne stratégie et a réaffirmé son hostilité au scénario du Grexit. Toutefois, tirant les leçons de l'expérience de 2015, l'ancien ministre des Finances prône aujourd'hui pour Athènes la politique de la chaise vide à l'Eurogroupe. Un peu ce qu'avait fait De Gaulle dans les années 60. Oui, dans un contexte quand même sensiblement différent, on va dire. Oui, le même Varoufakis a été vivement brocardé par Éric Toussaint lors de la conférence d'Éric Toussaint au monde diplomatique le 28 septembre dernier. On peut l'entendre sur le site du CADTM, bien sûr. Et pour ceux qui apprécient Varoufakis, il reste Politis qui a produit une interview de Varoufakis dans le numéro de cette semaine. Oui. Il a aussi insisté sur le rôle de Tsipras. Oui, sur le rôle de Tsipras. Oui. Un peu ambigu. À toi, René. Le budget de l'État en 2018. Ah, peut-être la loi Hulot. Bon, On peut passer au budget de l'État. Je te laisse la parole. Bon, bah alors, le budget de l'État a été... là, je vous invite à lire, à aller sur le site d'Attaque France, puisqu'on décrypte le budget de l'État en plusieurs parties. Et évidemment, à chaque fois, René va le dire, la mort de l'impôt, par déjà exemple. Déjà, un premier thème, la mort de l'impôt de solidarité sur la fortune, ou ISF, qui est remplacé par l'IFI, impôt sur la fortune immobilière. Aussi, le prélèvement forfaitaire unique, c'est un cadeau injustifié pour les riches, qui conduira à l'imposition de l'épargne populaire, à une baisse de la fiscalité sur les actions, qui favorisera les placements spéculatifs de court terme. Et enfin, la baisse de la taxe d'habitation, cherchez l'erreur, une réforme en trompe-l'œil, insuffisamment redistributive et qui bénéficiera principalement aux classes moyennes supérieures, avec perte de recettes prévisibles, bien sûr, pour les collectivités locales. C'est à lire donc sur le site d'Attaque, et pour les militants d'Attaque, c'est dans le dernier ligne d'Attaque, bien sûr. Oui. Un mot seulement sur Hulot, puisqu'on a vu cette semaine à la télévision le dernier film de Marie-Monique Robin. J'ai eu la chance, invité par Attaque Marseille, j'étais en vacances à l'époque, de rencontrer Marie-Monique Robin. Et à propos de glyphosate, elle m'a certifié, enfin elle nous a certifié, j'étais pas seul, que Hulot allait se battre contre les glyphosates à Bruxelles. Et la manifestation de 200 paysans pour le glyphosate leur ferait reculer un tantinet. Voilà, je voulais dire ça parce que Marie-Monique Robin était extrêmement claire sur ce qu'elle nous a dit à propos de Hulot. Ceci dit, juste un petit mot. Le 4 octobre, l'Assemblée nationale avait examiné le projet de loi Hulot par rapport à l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures. Et le texte final adopté en plénière a montré un net recul par rapport au premier passage en commission. De plus, alors la société civile demande un référendum sur le CETA et présente un nouveau rapport, René. Voilà. À l'occasion d'une conférence de presse organisée à l'Assemblée nationale, toujours le mercredi 20 septembre, des dizaines d'organisations ont officiellement demandé la suspension de l'application provisoire du CETA et la mise en place d'un référendum sur le sujet. Les organisations membres du collectif national Stop TAFTA et CETA ont également présenté un nouveau rapport qui s'appelle « L'impact macroéconomique du CETA et ses conséquences sur le climat, la santé, l'agriculture et l'emploi », qui met en évidence les conséquences dramatiques et irréversibles qu'engendre le CETA. Dominique Plion et Maxime Combes d'Attaque, alors Dominique Plion porte-parole également, ont contribué à l'élaboration de ce rapport, disponible aussi sur le site d'Attaque France. Et le samedi 18 novembre, le collectif national Stop TAFTA CETA a prévu une série d'actions décentralisées dans toute la France pour exiger un référendum sur le CETA. Et d'ailleurs, nous en reparlerons au plan local. Bien sûr. Et puis, on va faire la campagne Piraton, la sortie de l'iPhone 10 ou 10 en anglais, l'iPhone X, je préfère. René, qu'est-ce que tu en dis de ça? Alors, pour montrer le vrai visage d'Apple, multinationale championne de l'évasion fiscale, mais aussi experte de l'obsolescence programmée et du dumping social, eh bien voilà, 10 ans après la sortie du premier iPhone, Apple lance la commercialisation de nouveaux modèles à grand renfort, bien sûr, de marketing. Attaque et plusieurs autres organisations considèrent que c'est là une période stratégique pour attaquer l'image de marque de cette entreprise et l'amener à changer ses pratiques par diverses actions symboliques, notamment dans les magasins commercialisant les produits Apple. La campagne débutera en novembre. Voilà, les renseignements généraux sont avertis. Le vendredi 17 novembre, à la Bresse. Alors, au plan local, donc le 17 novembre à la Bresse, c'est « On ne marchera pas ». C'est une soirée à l'initiative du Théâtre de l'Opprimé à laquelle participe le collectif Stop TAFTA CETA de la Métropole. Donc après une représentation théâtrale, la loi travail XXL, se tiendront des tables rondes sur les thèmes suivants, la loi travail, évidemment, le CETA, les conditions de travail, la vie des quartiers et le sort réservé aux associations avec la disparition des emplois aidés. Voilà, et pour terminer, pour être en écho avec l'intervention de notre invité Frédéric Vial, le collectif Stop Tafta dans la métropole lilloise agit. Alors justement, bah déjà le samedi 18 novembre, on va décliner localement l'action prévue par le collectif national, donc inciter les citoyens à interpeller les parlementaires en vue de l'organisation d'un référendum. Et d'autre part, vous pouvez déjà interpeller vos députés ou d'autres via le site du collectif national. Vous tapez www.stop-du6ceta.fr et là, vous arriverez sur la page d'interpellation des députés que vous pouvez choisir, tous ou quelques-uns, enfin, vous verrez, par département aussi. Voilà. Et également, j'en profite pour dire que la pétition demandée à Emmanuel Macron de mettre un terme aux accords transatlantiques approche les 200 000 signatures est toujours disponible sur le même site. Oui, donc on passe à l'agenda militant. Projection débat sur les scopes proposés par le réseau Salaria sur un salaire à vie et des scopes pour tous, point d'interrogation. Après la projection du documentaire « Les dragons n'existent pas » de Guillaume Massard, consacré à la reprise par les salariés de leur entreprise en scope, nous débattrons sur les tremplins révolutionnaires qui existent pour sortir de l'impasse de l'emploi et libérer le travail de l'exploitation. Donc ça sera le mardi 24 octobre au cinéma associatif L'Univers, 16 rue Georges Danton à Lille. Accueil à partir de 19h30, début projection à 20h30. Le samedi 4 novembre à 15h au CCL, goûter biblio autour du livre d'Aude Vidal, Écologie, individualisme et course au bonheur, je ne vous en dis pas plus. Du jeudi 2 novembre au samedi 4, comme tous les ans, 5e festival anti-pub de dépollution mentale, le cerveau disponible, au programme, conférences, débats, ateliers et projections. Avec comme rendez-vous à ne pas manquer jeudi 20h, projection Les Invasions Los Angeles de John Carpenter. Également, conférence débat avec Serge Latouche, économiste et professeur émérite de l'Université Paris-Sud, sur le thème « La décroissance et le marketing de l'imaginaire ». Samedi après-midi, à partir de 15h30, court-métrage et vidéo croustillante, atelier théâtre artiviste et action anti-pub de désobéissance civile non-violente avec les déboulonneurs de Lille. Et à 20h, projection de Discount. Donc le festival aura lieu aussi au cinéma L'Univers. Conférence de Philippe Deruder, les monnaies locales, gadgets pour Bobo ou outils de transformation de la société, point d'interrogation. Donc organisé par le groupe Monnaie Locale de Lille, le 17 novembre à 18h à la gare Saint-Sauveur. Donc là, on discutera les monnaies locales permettrait de résoudre l'austérité, quelles sont les alternatives possibles et sur quelle base un monde réconcilié et durable est possible. Donc également, si vous souhaitez vous impliquer dans la mise en place d'une monnaie locale à Lille, rendez-vous le lundi 6 novembre à 19h à la Maison de l'économie sociale et solidaire de Lille donc, pour la réunion du groupe local. Également, conférence sur le sujet du transhumanisme, proposé par le collectif Antitech Pièces et Main-d'œuvre. La conférence est intitulée « Les chimpanzés du futur contre le transhumanisme » organisée par Orsol et CLIS 21 et aura lieu à l'Auberge Espagnole qui est à 58 avenue Robert Schuman à Mont-Saint-Barœul, donc le vendredi 10 novembre à 18h. Et on va s'arrêter là. Mot de la fin. Oui, bon week-end à tous. Vous pouvez évidemment réécouter et podcaster cette émission sur campuslille.com et vous pouvez même retrouver toutes nos émissions depuis 5 saisons qui sont archivées dans Angle d'Attaque Otac. C'est sur attaquelille.over-blog.com. Le prochain rendez-vous, ce sera le 18 novembre. Prenez soin de vous. On a besoin de gens en bonne santé pour lutter. Che mi sento libero.